Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Oui, de quoi sera fait le futur? C'est notre interrogation de tous les jours et notamment quand nous écoutons les actualités pour savoir ce que sera le futur. Mais nos ancêtres, eux, comment imaginaient-ils le futur? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le poète Georges Brassens nous avait prévenu. Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps, il porte un joli nom Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Chez les Romains, Saturne est le maître du temps, identifié au titan Chronos chez les Grecs. Ah, le temps, quelle chose complexe! Il y a le passé, le présent, le moment où je vous parle, et le futur. Mais nos ancêtres avaient aussi leur passé, leur présent et leur propre futur. Mais comment imaginaient-ils l'avenir? D'ailleurs, l'imaginaient-ils? Il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier. Oui, Saturne est vraiment un dieu fort inquiétant. Cette semaine, le cours de l'histoire réfléchit à cette notion de futur, mais le futur vu par nos ancêtres. En réalité, ce futur-là est bien souvent notre passé. Et pour nous en parler avec nous aujourd'hui, François Hartog, bonjour. Bonjour. François Hartog, peut-on dire que les hommes, les femmes ont toujours imaginé le futur? Déjà, la notion est complexe. Oui, alors, ils l'ont toujours imaginé. Le problème est de savoir qu'imaginait-il, et ça c'est bien difficile de le savoir. Ce que nous pouvons à tout le moins présumer, c'est les conditions dans lesquelles ils pouvaient imaginer leur futur. C'est-à-dire, quel était leur rapport au temps, comment articulaient-ils ces trois catégories que nous retrouvons partout et depuis toujours, la catégorie du passé, celle du présent et celle du futur. Et dans le monde antique, au sens le plus large du terme, on peut dire, un, que naturellement les gens essayaient de savoir ce qui allait advenir, essayaient de vivre une nouvelle année meilleure que la précédente, mais la limite qui distingue profondément le monde ancien, les mondes anciens du monde moderne, c'est qu'au fond, le futur n'excédait pas le passé. On était dans ce que j'appelle un régime d'historicité tel que la catégorie prédominante, la catégorie prépondérante était celle du passé. François Hartog, vous mettez là en place la base de la réflexion. Vous êtes l'auteur de Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, qui vient d'être publié chez Gallimard. Mais d'une réflexion globale, hein, tous vos ouvrages réfléchissent autour de cette notion du temps, régime d'historicité, l'évidence de l'histoire. Dites-nous, François Hartog, cette prépondérance du passé est quelque chose qui marque les esprits dans l'Antiquité. Les gens de l'Antiquité avaient pour valeur le passé plus que l'avenir, c'est bien cela? Oui, ça veut dire, ce qui veut dire que quand ils imaginaient le futur, ou quand ils essayaient de préparer le futur, ou quand ils entreprenaient une action, ils commençaient par regarder en direction du passé pour y trouver des précédents, pour y trouver des exemples, pour y trouver des instruments pour conduire leur action. Alors, il ne faut pas passer de cette manière d'organiser l'action à l'idée, évidemment, simpliste et fausse, selon laquelle ils vivaient dans un temps qui ne faisait que se répéter. C'est-à-dire qu'ils considéraient que le futur allait répéter le passé, ça n'est pas ça. Ça signifie simplement que le futur n'excéderait pas le passé. Donc on était dans un univers où les repères demeuraient. C'était ça, c'est ça, me semble-t-il, le point essentiel, et c'est ce que le monde moderne, ce avec quoi le monde moderne va rompre. Mais dans l'intervalle, avant le monde moderne, il y a eu le surgissement du christianisme. Oui, la rupture. Oui. Effectivement, vous le dites, hein, ça a changé complètement notre manière de voir et nous avons une conception du temps aujourd'hui basée sur le futur, le progrès sans doute. François Jarige est avec nous également, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, l'auteur d'une réflexion là aussi autour du temps sur la modernité, hein, la modernité désenchantée, relire l'histoire du 19e siècle à la découverte et puis plus récemment la modernité dure longtemps, penser la discorde des temps avec Christophe Charles, un livre hommage au professeur Christophe Charles à la Sorbonne. Dites-nous François Jarige, quand nous entendons cette réflexion sur le passé comme valeur et le futur ne pourra pas dépasser le passé. Vous êtes, vous, dans cette réflexion du 19e siècle où nous avons là une lecture complètement différente. Le futur sera meilleur que le passé. Oui, bien sûr. Le titre du livre en hommage à Christophe Charles qui a réfléchi à une histoire sociale du rapport à la modernité au temps, c'est pas penser la discorde des temps, mais penser la discordance des temps. Mais c'est intéressant le lapsus que vous avez fait parce que la question du temps, elle s'inscrit toujours dans des enjeux de conflit, dans des discordes. Et en fait, à chaque époque, il y a une pluralité aussi de points de vue, de représentations sur ce que pourrait être le futur, voire des luttes pour fixer et définir ce que serait le futur. Alors évidemment, par rapport à ce que a dit François Hartog, mais il le montre très bien dans son livre Chronos, au cours du 18e et du 19e siècle, on voit se mettre en place un nouveau régime d'historicité qu'il a étudié depuis longtemps. Et ce nouveau régime d'historicité est marqué notamment par ce qu'on appelle l'idéologie du progrès, c'est-à-dire un nouveau rapport au temps dans lequel le futur, désormais, excède le passé, pour reprendre la formule de François Hartog, dans lequel le futur fait l'objet d'un investissement, d'une confiance inédite, et que désormais, je pense que c'est le point fondamental, c'est de plus en plus les sociétés humaines pensent qu'elles peuvent construire le futur en s'émancipant du passé, à partir de leurs propres outils, à partir de leurs propres moyens, et notamment à partir de leur puissance technique qui s'affirme à cette époque-là. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, comment les hommes et les femmes du passé voyaient-ils leur propre futur? Et justement, puisque le chronomètre tourne, allons à la rencontre de Chronos. Nous y allons en croisant Jean-Pierre Vernant, grand historien et vrai penseur de l'Antiquité. Jean-Pierre Vernant qui débloque le temps. Gaïa, c'est la terre-mère, et elle crée Uranos, qui est le ciel nocturne, le ciel mâle. Et ils vont s'unir, mais Uranos, il est sur elle et il la recouvre exactement. Il n'y a pas l'ombre du bout du pied de la terre qui ne soit recouverte par Uranos. Et il ne cesse pas de lui faire l'amour. De sorte qu'il n'y a pas entre la terre et le ciel un espace et qu'il n'y a pas non plus de temps. Pourquoi? Parce que les enfants qu'il a créés, il reste enfermé dans le giron de Gaïa. De la Terre. Puis Gaïa en a marre. Hein, Gaïa en a marre de l'autre qui est toujours... Mais ensuite, elle commence à trouver que ça ne marche plus. Ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, elle dit à ses enfants, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Votre père, c'est un monstre. Allez, il faut m'aider. Et ils ont tous peur. Mais il y en a un, Chronos, qui sera le roi des dieux. Et quand Uranos arrive, il lui attrape les parties sexuelles de la main gauche, il les coupe avec sa faucille et il les jette derrière lui. Alors naturellement, Uranos pousse un hurlement épouvantable et il se sépare. Et ainsi, entre Uranos et Gaïa, voilà qu'un espace se manifeste où les enfants vont sortir, c'est-à-dire que les générations vont se succéder. L'espace apparaît et en même temps, le temps se débloque. Le temps se débloque. Jean-Pierre Vernant au micro de Bernard Pivot, c'est dans Bouillon Culture en 1999. François Hartog, que nous apprend le mythe de Chronos, le mythe antique, sur le rapport au temps, le rapport au futur qu'avaient ces personnes de l'Antiquité? Alors, le mythe de Chronos est extrêmement intéressant et c'est évidemment pour moi assez émouvant d'entendre la voix de Jean-Pierre Vernant qui a beaucoup représenté pour moi. Et Chronos, celui qu'il vient d'évoquer, celui qui surgit, il s'inscrit dans une configuration qui est celle des mythes de souveraineté. Il s'agit plus que du temps lui-même dans cette affaire, il s'agit du pouvoir et de savoir qui va avoir le pouvoir. Donc Chronos, ce fils, va s'emparer du pouvoir après avoir ainsi maltraité son père, et Cronos lui-même sera détrôné par son fils Zeus, qui lui essaiera justement de prendre le pouvoir et de le garder pour toujours. Donc, on a bien du temps, mais du temps inscrit dans la succession des générations, et un temps qui là s'inscrit dans cette question du pouvoir et de la qui va exercer le pouvoir, puisque à partir du moment où Zeus s'empare du pouvoir et absorbe la déesse Métis, celle de l'intelligence rusée, il inscrit sa souveraineté en principe pour toujours. Donc d'une certaine manière, il arrête le temps. Et à côté de ce Cronos souverain, il y a Cronos qui ne s'écrit pas de la même manière, mais Cronos que nous c'est C-H-R-O-N-O-S, le temps lui-même, qui est autre chose, qui n'est pas dans cette succession des générations divines, mais qui est le temps qui passe, le temps des jours, le temps des saisons et des jours, le temps ordinaire. Et la confusion qui s'est opérée dès l'Antiquité entre les deux Chronos, si vous voulez, est elle-même intéressante, puisque vous avez commencé l'émission en évoquant Saturne, du côté romain, eh bien, on a cette vision du dieu Chronos comme celui qui fauche, comme celui qui est porteur de la mort. Et une bonne partie des élaborations et lucubrations, si on veut, autour du temps dans l'Antiquité, se joue entre ces deux figures de Chronos, Chronos le dieu et Chronos celui qui est le temps insaisissable. Chronos avec un K, le personnage mythique, Chronos avec le CH qui est le temps. Le temps est une évidence et vous évoquez, François Hartog, la nécessité de réfléchir à la succession politique. Donc le futur est sans cesse réfléchi, mais ce futur est réfléchi avec des chaos. Comment est-il perçu ? Il est perçu comme linéaire ou fabriqué à partir de crises ou à partir de moments de rupture ? Ouais, j'aurais tendance à dire les deux, ce futur, il est marqué par des moments de tension, en particulier par des guerres. Il est marqué par des épidémies, par exemple à Athènes en 431. Comment 430, comment saisir ce fléau qui survient. Donc les Grecs ont élaboré un autre concept pour essayer de maîtriser le temps qui, à côté de Chronos CH, ils ont proposé, ils ont instauré le concept de Kairos, avec K-K-I-R-O-S, Kairos, qui signifie le moment important, le moment décisif, l'occasion à saisir. Bref, toute cette dynamique du temps qui marque justement le temps des hommes. Et l'homme d'action, ou le politique qui réussit dans son action, ou qui impose son pouvoir, ou qui maintient son pouvoir, est celui qui sait combiner Kairos, donc il sait voir l'occasion à saisir, et Chronos, il sait transcrire cette occasion en temps chronologique. Comment organiser une action rationnelle. Eh bien justement, allons à Kairos, au moment de l'instant crucial, à travers un film, le film 300, La naissance d'un empire, un film de Zack Snyder en 2006, où il est question des efforts. Les efforts, ce sont ces magistrats annuels à Sparte, et rappelons-le, nous n'avons rien sans efforts. Les efforts, prêtres des dieux anciens, ordures consanguines, plus créatures qu'humains. Des créatures que même Léonidas doit acheter et supplier. Car aucun roi de Sparte n'est parti à la guerre sans leur approbation. Les Perses affirment que leurs guerriers se comptent par millions. J'espère pour nous qu'ils exagèrent. Mais il est certain que nous affronterons la plus puissante armée jamais rassemblée. Avant que tu ne parles de ton plan, qu'as-tu à nous offrir ? Nous utiliserons notre supériorité dans l'art du combat et le terrain de la Grèce pour les anéantir. Les pertes de Xerxès seront si grandes, ses hommes si démoralisés, qu'il n'aura pas d'autre choix que de renoncer à sa campagne. Il nous faut consulter l'oracle. Fie-toi, ô dieu, Léonidas. Dans le film 300, il faut consulter l'oracle. François Hartog, la réflexion sur le futur à travers l'oracle, c'est-à-dire essayer de savoir ce que va donner le futur, nous permet aussi de réfléchir à la manière dont les hommes imaginaient le futur, avec cette notion divine également. Le futur est-il quelque chose d'accessible dans la pensée pour les Grecs de l'Antiquité ? Peuvent-ils changer le futur ? Alors, en effet, un des grands moyens d'accéder ou de penser à accéder au futur, c'est la divination, les oracles, la divination. Et les Grecs, comme tous les peuples de l'Antiquité, en ont fait grand usage. Mais l'idée qu'on puisse changer le futur, c'est autre chose. Ce que parfois on faisait, c'était, notamment en Mésopotamie, c'était de consulter plusieurs fois. Donc on faisait un sacrifice, on sacrifiait un mouton, on regardait le poids du mouton, et on essayait de tirer de la configuration du foie une réponse sur le fait de savoir s'il fallait mener cette guerre ou assiéger cette ville ou faire ce type d'action, puisqu'il s'agit évidemment, dans la plupart des cas, du roi. Et si la réponse n'était pas satisfaisante, on pouvait recommencer jusqu'à essayer d'avoir une réponse satisfaisante. Alors, dans ces jeux complexes, s'agit-il de dire qu'on va changer le futur ? Non. S'agit-il de dire qu'on va mieux appréhender ce que, en réalité, se trouvait inscrit dans le foie du mouton ? Oui. Dire que le roi cherche ainsi une caution pour valider l'entreprise qu'il est en train de mener, oui. Mais vous voyez bien que c'est toujours extrêmement subtil, complexe et peut donner lieu à des interprétations divergentes. Interprétation divergente et puis vision du futur qui diverge également selon le positionnement antique où nous nous trouvons. Nous avons les Grecs et Cronos, nous avons les Romains et Saturne, mais dans ce monde-là, il y a un autre modèle, un modèle juif puis chrétien, judéo-chrétien. En quoi, François Hartog, ce modèle chrétien est une rupture dans la manière de percevoir le futur ? Je suis sûr que c'est une rupture très fondamental, parce que nous avons commencé par dire que chez les anciens au sens large, le passé l'emporte sur le présent et sur le futur, et que le présent et le futur n'excèdent pas le passé. Autrement dit, le nouveau n'est pas valorisé comme tel. Il est même, on se méfie du nouveau. C'est très frappant dans le monde grec ancien, cette méfiance à l'égard du nouveau qui pouvait signifier le mot même, le verbe faire du nouveau peut signifier faire la révolution. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est positif. Bouleverser l'ordre social. Avec les chrétiens, on a un renversement, puisque le Nouveau Testament, celui qui vient s'installer à côté de l'Autre Testament qui devient l'Ancien Testament, le Nouveau Testament donne la primauté au présent, puisque le moment essentiel, capital, c'est celui de l'incarnation. Et on regarde le passé, et c'est comme ça que les chrétiens vont lire ce qui est devenu l'Ancien Testament, on regarde le passé comme une préparation, une préfiguration, une annonce de ce qui allait advenir. Donc, tout le passé de la Bible, représente une lente marche, une lente montée vers ce moment capital, ce moment qui récapitule justement tout le temps passé, qui est l'incarnation. Et ce partage Ancien-Nouveau Testament introduit dans la réflexion et dans la vie des sociétés quelque chose de tout à fait nouveau. Bien entendu, les chrétiens vont eux-mêmes vieillir, si j'ose dire. Et on ne peut pas dépasser ce moment nouveau, ce moment inédit, inouï de l'incarnation. Et les siècles passant, ce moment-là, il reste toujours présent, puisque toute la messe, c'est la réactivation de ce moment, le mystère de l'Eucharistie. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il s'éloigne dans le temps et que l'Église va devoir gérer à la fois cette affirmation de la prépondérance d'un présent qui est intemporel et qui, malgré tout, va peu à peu s'inscrire dans un passé. Et c'est la complexité, nous le sentons bien, de ce moment présent, magnifié de l'incarnation de Jésus-Christ. Donc nous sommes sur le moment, ça y est, la nouveauté n'est plus sujet de méfiance. Et pourtant, cette nouveauté commence à vieillir tout doucement. Mais François Hartog, vous nous l'avez dit, dans la Bible, il y a ce long cheminement qui conduit au présent. En tout cas, une lecture particulière conduit au présent, c'est-à-dire l'arrivée de Jésus. Et dans la Bible, le Nouveau Testament, il y a aussi l'annonce du futur, et ce futur, tout simplement, est l'Apocalypse. Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Ce qui était en premier s'en est allé. Livre de l'Apocalypse selon saint Jean, chapitre 21. Olivier Martineau qui lisait un extrait de l'Apocalypse selon saint Jean dans le cours de l'histoire sur France Culture. François Hartog, en quoi cet Apocalypse, donc ce texte attribué à saint Jean, est-il aussi nécessaire dans la vision chrétienne, dans la construction que l'on peut avoir du futur? Pourquoi annoncer un futur à la fois aussi sombre et aussi salvateur? Oui, nous avons juste à l'instant évoqué ce moment essentiel qui est celui de l'incarnation. Et en un sens, avec cette incarnation, donc cette venue du Fils de Dieu sur terre qui se fait homme, l'histoire est finie. Mais tout n'est pas encore achevé. Tout n'est pas encore consommé. Et ce qui reste, c'est de parvenir jusqu'à la fin des temps. Et cette fin des temps, elle est marquée, ça c'est le schéma des apocalypses juives, elle est marquée par l'apocalypse, ce moment justement de bouleversement complet, et puis le début de toute autre chose. L'ancienne terre, l'ancien ciel, tout ça, c'est fini, c'est tout autre chose. Et le temps chrétien, ce que j'appelle le régime chrétien d'historicité, il est au départ au moins pris entre ces deux bornes, que sont d'un côté l'incarnation et de l'autre côté l'apocalypse et le jugement, puisque bien sûr ça va ensemble, le jugement dernier, avec ceux qui seront damnés et ceux qui seront les élus, qui seront sauvés. Et le temps qui sépare ces deux bornes, qui s'étend entre ces deux bornes, est qualifié de temps intermédiaire, un temps qui n'a pas au départ de consistance véritable et qui est un présent, une espèce de présent où la seule chose importante à faire est de se convertir. C'est tout le thème des épîtres de Paul, par exemple, hein, et de l'Ancien, du Nouveau Testament, des évangélistes des Nouveaux Testaments, et puis après des premiers pères de l'Église. C'est pourquoi le régime chrétien d'historicité, je le qualifie de présentisme, parce que c'est du présent, apocalyptique, puisque l'horizon est celui de l'Apocalypse. Et ce cadre, l'important est que ce cadre temporel va rester actif, va rester dominant jusqu'au XVIIIe siècle dans le monde occidental. Et que c'est, alors il va bien sûr être mis en question à différents moments, de différentes façons, mais en gros, jusqu'au XVIIIe, jusqu'au milieu du XVIIIe, on ne peut pas récuser frontalement ce cadre qui, pendant donc 18 siècles, va marquer le rapport au temps du monde de européen et, ou disons, occidental. Cette rupture du rapport au temps au XVIIIe siècle conditionne en grande partie ce que nous sommes aujourd'hui, notre rapport au futur, sachant que nous sommes les héritiers aussi de tous ces différents rapports au temps, ce temps qui va, qui vient, ce temps que chante Charles Aznavour. Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court ou celui qui gronde. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître. Le temps d'aimer et de disparaître. Le temps des pleurs, le temps de la chance. Le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre. Le temps des jeux, le temps des affaires. Le temps joyeux, le temps des mensonges. Le temps frileux et le temps des songes. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies. Le temps perdu, le temps de la vie. Le temps qui vient jamais ne s'arrête. Et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps. Le temps. Le temps. Charles Aznavour qui chante, enfin qui chantait, le temps c'est déjà du passé dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Comment les hommes, les femmes du passé voyaient-ils leur propre futur? La réflexion que nous conduisons aujourd'hui avec François Hartog et François Jarige. François Jarige, justement, cette foi dans le progrès, nous sentons qu'elle apparaît au XVIIIe siècle, cette croyance pour les sociétés occidentales en tout cas, que l'avenir sera meilleur, qu'il peut dépasser le passé, se construit de quelle manière? C'est une réflexion des Lumières? Bon, évidemment, la question de savoir comment se construit le progrès est une question immense. Je dirais, Je dirais deux choses. Je dirais que ça se construit progressivement, hein, de l'époque de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Ça se construit très progressivement et c'est d'ailleurs en permanence contesté. Hein. Il y a cette idée qu'il y a un temps progressiste et une idéologie du progrès qui s'installe, c'est une évidence. Et en même temps, les historiens ne cessent de montrer aujourd'hui que cette idée n'a jamais été totalement dominante, totalement universelle et qu'elle a tout le temps été contestée. L'idée même de progrès, à chaque fois qu'on l'affirme, il y a d'autres gens en parallèle qui annoncent sa mort et qui annoncent qu'elle est, c'est une idée absurde. Moi, je crois qu'elle vient, elle s'articule vraiment autour de deux phénomènes majeurs au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, ce que Kozelek avait déjà analysé dans tous ses travaux, évidemment, sur le changement de rapport au temps à cette époque, notamment l'expérience de la révolution politique et l'expérience de ce qu'on va appeler, pour faire vite, la révolution industrielle. C'est-à-dire, ces deux transformations fondamentales du rapport au monde vont entraîner une transformation du rapport au temps avec l'idée qu'on peut se projeter vers le futur de façon enthousiaste, de façon positive, de façon confiante, parce que justement les révolutions politiques entre 1789, mais il faudrait intégrer aussi la révolution américaine, jusqu'au milieu du 19e siècle, a montré aux contemporains que l'ordre socio-politique n'était pas quelque chose d'immuable, de naturel, mais était aussi le résultat d'une construction et pouvait être modifié, chamboulé par l'intervention des humains. Or, les révolutions politiques sont parallèles aussi à une période de mutation économique, de transformation des fondements matériels du monde, qui vont donner de plus en plus de confiance dans la capacité que les sociétés occidentales ont à modeler leur environnement en contrôlant la nature pour produire de l'abondance, qui devient le grand mythe moderne à partir du 19e siècle. Donc je crois que ce qu'on appelle l'idée de progrès, hein, ce nouveau rapport au futur, cette confiance, cette vision linéaire du temps, elle s'inscrit en fait dans des mutations sociopolitiques et économiques très profondes qui transforment le rapport au monde de ses contemporains et donc aussi leur rapport au passé, au présent et à l'avenir. François Hartog, à cela il faudrait aussi ajouter la transformation du rapport à la religion. Vous avez bien insisté sur cette lecture séculaire avec ce que vous appelez ce régime d'historicité lié au présent mais apocalyptique qui seront au XVIIIe siècle lié aussi à une relecture de la religion. Et un des points pour aller dans la... même sens que ce qui vient d'être dit. Un des points où on peut saisir ce combat autour de la religion, c'est la chronologie biblique. Jusqu'à la fin du XVIIIe, on ne pouvait pas officiellement mettre en cause la chronologie du monde qui fixait une durée du monde à 6000 ans. Et il fallait se débrouiller pour tout faire entrer dans 6000 ans. D'où aussi, à chaque fois que on pouvait approcher de ce qu'on considérait comme le terme de ces 6000 ans, une espèce de des moments de recrudescence, d'agitation de type millénariste ou apocalyptique. Et avec deux noms, deux savants, c'est ce cadre disparaît définitivement, perd sa prise sur le temps justement, sur le monde et sur le temps du monde, à savoir d'un côté Buffon, qui en menant ses travaux sur l'âge de la Terre sort totalement de l'enveloppe des 6000 ans, et puis un peu plus tard Condorcet avec son esquisse historique des progrès de l'esprit humain, qui ouvre justement la perspective de progrès indéfini. C'est-à-dire que cette borne dans laquelle le monde avait vécu jusqu'alors se trouve enlevée. Et vision de Condorcet, de progrès indéfini de l'humanité, transforme totalement le rapport au futur. Le rapport au futur est transformé par les penseurs. Nous l'entendons dans ce que vous dites, François Hartog et François Jarige. C'est vrai que vous incitez aussi sur l'action humaine, l'action de la Révolution. François Jarige, vous êtes l'auteur avec Emmanuel Furex de La modernité désenchantée, relire l'histoire du 19e siècle français. Et dans cette réflexion sur le mot modernité, il y a quelque part une réflexion sur ce qu'est le futur. Peut-on parler d'un espoir de modernité absolue au 18e, 19e siècle? Il faut vraiment insister sur cette idée-là, que la chose est extrêmement fluctuante. La modernité n'est pas quelque chose accepté par tous, ou alors la modernité est juste, serait juste un idéal à atteindre. La modernité est très contestée. Oui, tout à fait. On a appelé ce livre « La modernité des enchantés », qui est en fait un essai de synthèse historiographique sur les lectures et écritures du 19e siècle. L'objectif, c'était de souligner le fait que, en général, aujourd'hui, on a tendance à considérer qu'on a pris conscience des contradictions de la modernité, des ambivalences du progrès, des ravages de ce qu'on appelle le progrès industriel, par exemple. Or, ce que montrent beaucoup de travaux et d'historiens travaillant sur le 19e siècle, c'est l'idée qu'en fait, ces alertes, ces interrogations, ces doutes, et ces questionnements étaient contemporains même du 19e siècle et que les deux en fait coexistent. Il y a d'un côté, dans certains discours et dans certaines pratiques, une exaltation de la modernité sous la forme de la puissance technique, du progrès industriel de plus en plus qui doit transformer les sociétés dans le sens de l'abondance. Mais au moment même où ces promesses progressistes sont énoncées, elles ne cessent d'être discutées, contestées dans des groupes très divers, parmi les ouvriers, parmi toute une série d'acteurs économiques. Par exemple, si on prend juste un exemple, on identifie le progrès au 19e siècle à la machine à vapeur. Et dans les manuels d'école, dans les manuels scolaires encore aujourd'hui, le progrès technique et industriel, c'est la machine à vapeur. Or, au 19e siècle, en réalité, pendant très longtemps, la machine à vapeur reste peu utilisée, très contestée. Et pour beaucoup d'autres acteurs, y compris des ingénieurs, le futur n'est pas nécessairement un futur fondé sur les énergies fossiles et sur la machine à vapeur, mais c'est davantage un futur fondé sur l'énergie hydraulique, qu'on essaye de développer, sur même l'énergie des hommes et des animaux qui apparaît pas du tout comme périmée. Et donc, voilà, il faut, ce qui m'intéressait, moi, c'était d'essayer de reconstituer aussi, retrouver la pluralité hein, des regards sur le futur qui ne se limite pas à ce que la postérité a entériné comme étant le futur qui devait effectivement se réaliser. Et d'ailleurs, le 19e siècle est traversé de multiples doutes, de multiples alertes. On peut citer le livre, le début des ouvrages un peu de science-fiction, de dystopie qui émerge à cette époque-là, au moment même où l'idée de modernité est formulée dans les années 1830-40, un écrivain comme Émile Souvestre écrit « Le monde tel qu'il sera », qui est une sorte de fable utopique d'anticipation où il imagine un futur totalement terrifiant. On peut aussi évoquer qu'en 1855, au moment de l'exposition universelle qui célèbre la modernité technique et un avenir intégralement technique, un auteur comme Eugène Huszár écrit « La fin du monde par la science », où il annonce l'effondrement de ses promesses progressistes par les contradictions internes des réalisations techniques. Donc il y a toute une série de débats dans des espaces sociaux et intellectuels très divers qui montrent que ce qu'on appelle la modernité et la confiance dans la modernité qui prend au 19e siècle la forme essentiellement de plus en plus de l'industrie et de la puissance technique, cette idée-là n'a jamais été évidemment intégralement, universellement partagée et elle s'inscrit toujours dans des luttes, dans des rivalités et des conflits entre groupes et entre représentations du monde. Bah, d'ailleurs, cette notion de modernité s'impose, sans doute pour une raison particulière. François Jarige, qu'est-ce qui fait que c'est cette notion-là qui dépasse les autres? Vous expliquez qu'il y a des rapports de force, et notamment des rapports de force industriels, et donc financiers, et donc capitalistes. Est-ce que c'est cela qui explique qu'on a une vision aujourd'hui de la modernité extrêmement positive? Mais en fait, la modernité, ça fait partie un peu de ces mots valises, de ces mots creux dans lesquels on peut mettre des choses extrêmement contradictoires. Et d'ailleurs, dans les années 1830-40, si se met en place ce nouveau régime d'historicité fondé sur la confiance dans l'avenir, et notamment aussi sur la confiance dans la nouveauté, hein, pour revenir sur ce que disait François Hartog sur cette importance de la nouveauté, cette reconnaissance de la nouveauté comme quelque chose de positif, on peut souligner que c'est un processus de très longue durée. Et encore à l'époque moderne, l'idée de nouveauté avait plutôt mauvaise express. C'est vraiment au 19e siècle que la nouveauté devient quelque chose de valorisé, de positif, même au 17e siècle. Quand on parlait de nouveauté, on parlait essentiellement de nouveauté dans l'ordre juridique, par exemple, et c'était toujours perçu avec une certaine méfiance comme étant susceptible de remettre en cause l'ordre social stable, assuré. Le 19e siècle introduit l'idée que le mouvement est positif, que la nouveauté apportera quelque chose de supérieur. Et tout ça, évidemment, s'inscrit, je pense, profondément dans les transformations du rapport matériel au monde. C'est-à-dire que les années 30-40, c'est le moment d'essor de l'industrialisation, de la consommation, de la prolifération croissante de marchandises. Et ces marchandises incarnent, symbolisent de plus en plus la modernité et la possibilité pour tous d'y accéder. Mais il y a des conflits sur la modernité, parce que les années 1830, c'est aussi l'apparition, par exemple, de ce qu'on appelle le socialisme, qui est sans doute, le mot socialisme désigne, donc le socialisme, c'est la science sociale. Et la science sociale, pour les auteurs de cette époque-là, ce sont les savoirs qui doivent permettre de construire un avenir émancipé grâce à une connaissance plus fine et plus précise du monde social. Et toute une série d'auteurs, là, Fourier, Étienne Cabet, les Saint-Simoniens, vont de plus en plus, eux, être des acteurs de cette promotion d'une image positive de l'avenir grâce à la promotion de la science sociale pensée comme un corpus de savoir capable de produire un avenir émancipé. Donc en fait, il y a la modernité libérale qui s'affirme à l'époque, donc le progrès, l'avenir émancipé passera par la consommation, par le libre marché, et vous avez aussi une autre forme de modernité qui s'affirme, une modernité qu'on peut appeler socialiste, qui elle repose sur l'idée d'une réinvention des rapports humains, sur une réinvention de nouvelles formes de relations sociales, de nouvelles formes de communauté. Donc il y a en fait une pluralité même de lectures positives de ce qu'est la modernité. Avec une réflexion dès lors, qu'est-ce que le progrès ? Bien, le mieux c'est peut-être de lire l'article « Progrès » dans le grand dictionnaire universel du 19e siècle de Pierre Larousse. Cette idée que l'humanité devient de jour en jour meilleure et plus heureuse est particulièrement chère à notre siècle. La foi à la loi du progrès est la vraie foi de notre âge. C'est là une croyance qui trouve peu d'incrédules. On parle souvent des croyances universelles du genre humain. S'il en existe, celle-là en est une. C'est du moins une des plus générales. De notre temps, si l'on en accepte des esprits chagrins ou aveugles, absolument ignorants de l'histoire, ou qui rêvent d'un possible retour vers un passé définitivement enterré, la croyance universelle est que le progrès est la loi même de la marche du genre humain. Grand dictionnaire universel du 19e siècle de Pierre Larousse. Article Progrès. Élu dans le cours de l'histoire par Olivier Martineau. François Hartog, nous sommes dans les années 1860 avec ce grand dictionnaire universel du 19e siècle de Pierre Larousse. Le progrès comme une évidence. Aujourd'hui, a-t-on toujours cette notion de progrès? Oui, sans doute, nous le sentons. Pensez-vous qu'elle est absolue? Y a-t-il pas une remise en cause de ce progrès? Si, et enfin, il n'y en a pas une, il y en a eu plusieurs. Et comme on a dit à l'instant, il n'y a jamais eu une vision univoque du progrès ou de la modernité. Et ce à quoi nous avons assisté au XXe siècle alors, c'est à la fois une exaltation du progrès sous cette thématique de l'accélération, puisque le temps moderne est marqué par une accélération, et une accélération qui ne cesse pas d'accélérer. Et le progrès est pris dans ce mouvement-là, et le progrès doit donc lui aussi s'accélérer. Mais les guerres, enfin, la guerre de 14 déjà, et puis la Seconde Guerre mondiale ensuite, ont porté un coup fatal au progrès. Au progrès au singulier, je dirais, au progrès avec un P majuscule, puisque nous avons fait beaucoup de majuscules ou cette émission de Chronos, progrès avec majuscule, comme étant cette marche, justement, cette croyance universelle et cette marche de l'humanité vers le mieux. Après ces guerres, il n'est plus possible de croire au progrès en tant que tel, au progrès comme progrès de l'humanité. Ce à quoi, alors, nous assistons et nous continuons d'assister, et la fin du XXe siècle et le début du XXIe en sont évidemment des moments privilégiés, c'est à des progrès technologiques, une accélération des progrès technologiques qui nous modifient notre environnement, nos manières de vivre, nos rapports. Mais ces progrès technologiques sont en fait découplés de l'idée même de progrès. Ça ne signifie pas que nous progressons, que l'humanité progresse. La technologie est devenue une sorte de sphère autonome qui ne cesse d'accélérer ses progrès et qui nous bouscule. Et dès lors, excusez-moi François Hartog, mais je suis troublé. Les Grecs, eux, avaient une vision du futur qui devait être une reproduction, disons-le, peut-être améliorée, mais du passé. Dans le régime d'historicité chrétienne, le futur est une évidence. Il y a le présent à vivre pour l'Apocalypse. Dans le progrès, celui des Lumières du 19e siècle, cette foi du progrès, bien sûr, le monde ira mieux. Mais aujourd'hui, alors, que nous reste-t-il pour espérer le futur? Il nous reste peu de choses. Donc, il y a ceux qui considèrent que la technologie est au fond ce qui va nous sauver, et ça peut donner les transhumanistes qui espèrent échapper au fond aux limites de la condition humaine par la technologie, par plus de technologie. Mais ça peut donner aussi ce que nous avons vu surgir dans les 20 dernières années, à savoir, à travers la problématique du réchauffement climatique, cette survenue de l'Anthropocène qui est une menace. Donc le progrès, là, se transforme en possible catastrophe ou comme en catastrophe déjà en route. Et du même coup, évidemment, le futur devient très, très, très, très sombre. Donc on a la conjonction d'un futur extrêmement réduit, puisque nous vivons dans un temps précipité de l'immédiateté où tout doit circuler à la vitesse grande vitesse sur les réseaux sociaux. Et puis tout d'un coup surgit un futur immense devant nous, mais un futur qui lui est porteur de menaces et, complication dernière, un futur qui n'est pas encore complètement advenu ou qui est en train d'advenir, mais qui est déjà en partie joué par ce que nous avons fait ou par ce que nous n'avons pas fait. Et tout cela se cristallise autour de la problématique du réchauffement climatique. Alors, effectivement, ce futur peut être sombre, mais en tout cas, merci vivement François Hartog, merci François Jarige de nous avoir parlé de ces représentations du futur dans le passé. Et moi, je conseille pour le futur des auditeurs, des auditrices, de lire Chronos, l'Occident aux prises avec le temps chez Gallimard. C'est votre ouvrage François Hartog, ou encore les ouvrages de François Jarige, La modernité désenchantée, relire l'histoire du 19e siècle, ou La modernité dure longtemps, penser la discordance des temps avec Christophe Charles aux presses de la Sorbonne. Merci à vous deux, mais puisque nous vivons dans le présent et le présent est notre maître, il est temps de rejoindre Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, l'agenda historique de l'année qui commence pourrait nous réserver quelques surprises. Il y a plus grave, évidemment, mais parmi les victimes collatérales de l'année qui vient de s'achever, les commémorations historiques programmées ont largement souffert de l'irruption de l'épidémie qui nous tient encore. Au programme, je résume à gros traits, il y avait notre entrée fracassante dans l'ère nucléaire avec les 75 ans d'Hiroshima, l'abolition de la prohibition en 1920 et surtout, celle qui s'annonçait avec véhémence, l'année de Gaulle avec un double anniversaire, celui de sa mort en 1970 et celui de l'appel du 18 juin 1940, associé à la défaite française et à l'organisation progressive de la résistance. Mais le présent et son imagination créative ont relégué ces festivités avec leurs expositions, leurs colloques, leurs avalanches éditoriales à pas grand-chose. Ce risque de déroute de l'attention au passé est d'ailleurs prévu avec prudence par le Haut Comité des Célébrations Nationales qui se présente comme l'émetteur annuel d'une liste des anniversaires susceptibles d'être inscrits au titre des célébrations nationales. Susceptible, c'est bien ce qui a caractérisé notre sensibilité à l'histoire ces derniers mois, avec l'impression que chaque jour produisait une archive sinistre pour demain, qui laissait peu de place à l'attention au passé. Un coup d'œil dans le rétroviseur et on constate rapidement que la Deuxième Guerre mondiale a été reléguée au second plan. L'histoire qui s'est rappelée à nous en 2020 sans s'annoncer est passée par les déboulonnages de statues, de figures liées à l'histoire de l'esclavage, par les appels à prêter attention aux traces de la traite négrière dans l'espace public, par les demandes de restitution d'objets conservés dans les musées occidentaux depuis les conquêtes coloniales, sans oublier les grandes épidémies, le terrorisme, le droit à l'avortement, le fonctionnement de notre démocratie, notre confiance en la science et bien sûr les relations franco-britanniques sur fond de Brexit. Quelques batailles de dates se sont aussi invitées dans l'actualité, à commencer par celle qui a hanté la campagne présidentielle américaine sur la naissance des États-Unis. 1776, date de la déclaration d'indépendance des 13 colonies, ou 1619, l'année où les premiers esclaves sont installés sur le sol américain. Quel sera le sort de ce calendrier des célébrations du passé en 2021? Plusieurs anniversaires s'annoncent en fanfare dans l'espoir de créer l'événement. L'année Napoléon, mort en 1821, cohabitera avec le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Autrement dit, cette année, c'est l'histoire très accidentée de l'instauration de la République en France et de ses institutions qui sera au menu. Une bonne occasion d'explorer les manières de s'imaginer le monde de demain au 19e siècle, un imaginaire des possibles toujours actif en 2021. Bonne année à toutes et tous, avec toute l'attention que mérite l'histoire, n'oublions pas de vivre le présent qui sera le producteur de notre passé et qu'il faudra un jour célébrer, bonne nouvelle, ou commémorer, triste perspective, en fonction de ce qu'il adviendra. Mais merci Anaïs et bonne année à vous, vous avez raison, vivons aussi le présent. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Comment les hommes du passé voyaient-ils leur propre futur? Futurs antérieurs, histoire des représentations de l'avenir, gratte-ciel et voitures volantes, retour vers la ville du futur. Et demain, nous allons parler de divination, astrologie, cartomancie. Comment lisait-on l'avenir dans le cours de l'histoire? Une émission préparée par Marion Dupoine, Toscane Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. À écouter et à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.